De retour à Doc Babylon, Doc la Babi, Doc Doc 69.3 FM, avec un extrait d'interview d'hier avec Casey à la Manopi. Yo, je m'engueule avec ceux que j'aime pas, ceux que je connais pas, ceux qui m'aiment pas, fait que je veux rien savoir de m'engueuler avec le monde que j'aime. Pis si jamais pas contente, ben bye man, parce que je veux pas m'engueuler avec quelqu'un que j'aime, ce serait pas normal, ça ferait ben trop mal. Puis attends, on est-tu en direct, on est-tu en onde là? On est en onde. Oh, excusez-nous, mais on est en train de parler de philosophie. On a quelques shout-outs pour vous, d'ailleurs. Peace, à Lyon, LG, MC, Solar, le 501, P.O. de Ball, S.I., I.M., N.T.M., Rock, Miss Mélage, Jimmy J, Coolock, Lyon, LG, Big Daddy, Big Red, Big Daddy, Cari, Cari, Manuel, Asia, c'est Sombly, la famille, ta chouche, la famille, la palue, Sima, elle est possible de la capitale, Clignon, Cour, la Chapelle, Courneuve, Bobigny, Louis Blanc, Pré, Saint-Gervais, Villa, Montreuil, Gambetta, Vincent, Starlise, Divry, Italie, Villejuif, d'Orléans, d'ici, Balafonte, Saint-Cloud, Dauphine, la défense d'Ivry, Créteil, Fontaine, Bayolet, Clichy, Anières, Gennevilliers et tout Paris et la planète Mars, Marseille. Le numéro à composer pour les shout-outs est le 443-2533, indicatif régional 514, Montréal. Maintenant, on poursuit avec Sois cool avec moi de Casey Adamanopi and the World Crew. On vous laisse sur 69.3 FM.